histoire de cœur. Je viens de rompre avec Marie. Elle va guérir, elle est docteur, spécialiste en cardiologie. Tout le contraire de sa petite sœur, qui voulait soulager mes nuits. J'ai paniqué, elle est mineure, étudiante en proctologie. À la troisième sœur, sans raison, elle a mal compris. En attendant des jours meilleurs, elle est patiente en psychiatrie. Pour un amateur que la musicothérapie.